respecter le bien d'autrui. Saint Louis disait que c'était mal fait de prendre le bien d'autrui, car rendre était si dur que même à prononcer le mot seulement, rendre écorchait la langue par les R qu'il contient, lesquels représentent les râteaux du diable, qui toujours retient et tire de son côté ce qui va le rendre le bien d'autrui. Et le diable agit avec beaucoup de subtilité, car, dans le cas des grands usuriers et des grands voleurs, il en respire de donner pour l'amour de Dieu ce qu'en fait il devrait rendre.